Exercice 5. A. Dors. Déjeune. Brosse. Sors. B. Voiture. Métro. Vélo. Bateau. C. Météo. Automne. Pleuvoir. Orage. D. Poule. Loup. Bouc. Bœuf. E. Bouche, œil, cou, joue.